que de souvenirs affreux ici. De clarté amicale pourtant. Écrire avec la solitude des pierres, écrire les longs doigts du lierre envahissant les façades. Mon grand-père a passé de longues journées seul dans ce village reculé, heureux et seul. Il sombrait parfois dans d'obscurs vertiges, revenait au monde, méditait, son visage souriant et malicieux. J'entends le passage mathématique des heures comme lui les a entendues. On a du mal à imaginer que c'est cela la vie, ces moments d'absence, de pure contemplation et respiration et silence en soi, en face de soi. On ne se souvient pas, on construit, reconstruit des mondes agglomérés de vie, d'objets. Des rues sous un éclairage public clignotant vers une zone sûre et climatisée. La fraîcheur du soir s'installe et nous rentrions, nous faisions l'amour. Nos passions dans un intérieur bien plus vaste que le monde, je le sais, nous le savons. Il me faut encore hausser les épaules, mourir au monde, faire mourir le monde en moi, comme se rapprocher des secrets du bout de l'Europe. La vie, nous ne la connaissons qu'en silence, sous des lumières froides, des matins rêvés. Encore triste à ce jeu, nous l'avons connu, nous l'avons aimé, quelques heures mentir. Nous étions dans le courant opaque d'un aujourd'hui, sortis du fardeau de nos pères, sans porter le nôtre encore. Je me suis rendormi vers 7 heures après être allé faire un tour dans le petit matin brumeux. En rentrant, je me suis allongé sur le canapé, attendant, n'attendant pas. Souvenir de la première fois où Aude et moi avions fait l'amour. À mon réveil, vers 9 heures, le temps était plus frais, un ciel gris blanc et de lourds nuages sur le col d'Arre. Je devais normalement redescendre sur Perpignan demain. J'allais prolonger jusqu'à dimanche. Une sorte de marche militaire anémiée sortait des haut-parleurs du village, à contempler l'air, immobile. Je ne prévoyais rien pour aujourd'hui. Les familles, les morales populaires suspendues au-dessus du vide, les enfants interloqués de phrases toutes faites, l'oxygène parental ne montait plus jusqu'au cœur. Un jour ou l'autre, ce serait un brasier, toutes dents dehors. Les villes en contrebas, les nuits, les ventres mouillés, cela ne leur appartiendrait plus. À demain, dit l'enfant. Un vif moment de bonheur, mon appartement rue Paratia, puis celui proche de la place République. Des souffrances traduites en bonne forme, des signes dans un petit bar face à la plage. L'insouciance en bord de mer, quelques verres bus. Ces années-là étaient dénuées d'adversaires et nous nous permettions l'innocence de quelques songes terrifiants. Je savais me taire, pas encore aimer. Les morts attendaient les vivants, le soir perçait les toits. Chère âme, un intérieur de mousse anthropophage avait remplacé votre salon beige, comme un silence par en dessous, et le ciel ridicule avec mes larmes. Fut-il roi? Fut-elle reine? S'étreindre dans un jeûne et ma respiration, tenue. Il n'y a personne ici. Mon crâne étouffe dans ma chair, les jeux pesant dans la clairière instantanée d'amour sur le vif. Il faut savoir le visage des absents, leur inquiétude édentée. Ce siècle promet d'être lourd, imprévu dans une chair reconnaissante, et le souvenir revu et corrigé par des taxidermistes. Dans les grimaces s'ouvrent des bras, des embrassades à faire pâlir. Une mère en bas poussant un landau mangé par les flammes, la mâchoire tombante des souvenirs. Des ombres montant l'escalier, la stupeur du con d'une prostituée des cités traversée d'hôte. L'amour au ventre, le portrait reptilien dans la cuisine, le père s'accouplant avec le fils mort comme un rêve étrange des familles. Nécessité d'ouvrir les bras à demi-nu dans les mémoires. Je retournais dans la plaine aujourd'hui. Rangement méthodique de l'appartement avant le départ en bus à midi, la chaleur. Les garçons affamés, les filles réticentes, le monde me cernait à nouveau.